Pour mes problèmes de mémoire, il me faut en plus d'un grimoire, des moyens mnémoniques, il faut ma mnémonique. Pour mes problèmes de mémoire, pour recouvrer mes souvenirs, il vous fera faire revenir Quitterie qui m'avait quitté, Honorine qui va m'honorer, pour recouvrer mes souvenirs. La mémoire, elle me reviendra, avec dans mon lit Alexandra. Surtout n'oubliez pas Odite, que je piaffe de revoir Edith. La mémoire, elle me reviendra, grâce à la méthode de Marcel Proust. Ce soir j'attends Madeleine, et la saveur de la langouste me rappellera ma cousine Germaine. Grâce à la méthode de Marcel Proust. Qu'on me serve une mortadelle, et si elle n'est pas mortadelle, elle pourra venir ainsi qu'Alice, qui m'apportera son calice. Qu'on me serve une mortadelle, ma souvenance des jours de piste reviendra avec Zoubida, et les effets inflationnistes de ma verge avec Rachida. Ma souvenance des jours de piste. Devant Saint-Pierre pour ma défense, quand viendra l'heure de mon trépas, il me faudra Jessica, car Jessica de conscience. Devant Saint-Pierre pour ma défense, ne faites pas entrer prudence, je vais périr dans ma demeure, et je vais avec Solange faire le dernier saut de l'ange. Ne faites pas entrer prudence.